pensée, par la peine sur tes mêmes angoisses de rond. Sans malice ni artifice, je t'entraîne même dans le vice. Sans malice ni artifice, je t'entraîne même dans le vice. Souverain des veilles, vide son rêve à l'envers. Miroir de vie d'un ami, miroir de la vie aussi. Traverser, viens rejoindre ce monde inversé. Traverser, viens rejoindre, il ne voit que